patois du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali, toute cette zone. Et il a calculé le nombre de muftis, parce que c'est leur collection de patois. Et dans le 19e siècle, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de muftis qui produisent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent des fatwas sur toutes sortes de choses, sur les prêts, sur les instruments monétaires. Est-ce que la barre de sel, est-ce qu'on peut la considérer comme une monnaie d'échange? C'est un sujet dont ils se sont beaucoup attardés pour expliquer aussi le mithqal, quand il s'agit ce poids d'or. Est-ce qu'on peut l'échanger pour des mesures connues? Donc est-ce que c'est une monnaie d'échange? Donc toutes ces questions montrent l'implication de ces legal service providers dans l'économie. Et le fait, quand on voit vraiment la distribution des sujets de ces patawas, que l'économie est vraiment l'intérêt primordial. Et ça ne devrait pas surprendre, parce qu'en fait, afin d'avoir accès au papier pour écrire, ces intellectuels ont besoin de s'impliquer dans le commerce caravanier. Et donc eux-mêmes, ces qadis, ces muftis, s'impliquent dans le commerce caravanier directement. Donc là, j'en viens à cette étude de cas, donc ce chapitre, qui est à voir avec un réseau commercial. Un réseau commercial qui opère en plus comme une institution. Et donc l'étude des cas, c'est le réseau commercial de ce que j'appelle Ouadnoun. Ouadnoun, c'est cette région au sud du Maroc, qui fait partie du Maroc maintenant, mais à l'époque, ne faisait pas partie du Maroc. Elle a fait partie du Maroc que quand les Français ont colonisé jusqu'au sud et ont étendu la frontière du Maroc. En 1934, c'est là où les Français finalement ont réussi à prendre le dessus sur la résistance saharienne et ont occupé Guilini, cette ville qui est au centre de cette région. Donc c'est ce réseau commercial qui travaille dans toute cette zone-là depuis perpète. Mais ce qui est important, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des musulmans et il y a aussi des juifs dans ce système. Donc ce n'est pas la religion qui démarque, mais les juifs, ils opèrent dans le système musulman. Parce que c'est le droit malikite qu'ils utilisent, c'est les mêmes contrats. Ils ont les mêmes cultures, les mêmes normes et les mêmes institutions pour régulariser leurs opérations. Et donc dans ce système, on voit vraiment un réseau en opération. Et le document dont je parle dans ce chapitre est un document en fait clé pour moi. C'est grâce à ce document que j'ai réalisé comment opère un système, un réseau commercial. Parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que la mort d'un commerçant pour voir avec l'héritage, etc. Comme on dit en anglais, a cross-section de ses activités financières. Mais dans ce cas particulier, c'est vraiment une histoire assez incroyable qui a à voir avec la violence qui s'est déroulée autour de la ville de Tichit, ici, au mi-19e siècle. Il y avait une guerre locale qui a fait que le réseau commercial de Ouadnoun, donc c'est des étrangers qui sont installés à Tichit, c'est des étrangers de la tribu Tikna et aussi Oulad Bezba, deux tribus qui viennent d'ici et qui opèrent à Tichit, parce que Tichit, c'était vraiment une porte importante pour le commerce de l'or, le commerce d'esclavage, etc. Une série de morts qui s'est déroulée assez rapidement. Quatre commerçants meurent l'un après l'autre. Et on voit dans ce document qui décrit toutes ces affaires, comment un commerçant meurt, un second membre du réseau s'occupe de ses affaires d'héritage, de distribuer, de payer les dettes que devait ce commerçant et de prendre les crédits qu'avait ce commerçant. Et dans la mentalité de ces musulmans, une personne ne peut vraiment pas accéder au paradis après la mort que quand tous ses crédits, toutes ses finances ont été réglées. Donc c'est comme l'obligation primordiale des gens qui restent de s'occuper à faire en sorte que tous ces fils de crédit et de dettes sont réglés. Donc je ne veux pas vous, parce que vous avez lu le document, enfin, l'histoire qui se déroule, qui en fait génère un conflit. Mais juste avant ça, je voulais simplement parler du fait que les réseaux commerciaux et le crédit, comment les réseaux commerciaux favorisent le crédit, bon, par des choses qui sont obvious, mais aussi des choses qui sont moins obvious. Et c'est là, je pense que c'est la contribution la plus importante de ce chapitre. Le fait que, bon, ces réseaux, on le sait, c'est des gens qui ont une identité commune, une localité commune, une solidarité commune, et donc un cas où il y a des musulmans et des juifs. Donc ils n'ont pas vraiment d'identité commune. Si, parce qu'ils habitent tous à Ouadoune. D'accord. Ils ont une identité qui est basée dans une appartenance spatiale. Mm-hmm. Et parce que ça, c'est une chose, la conférence à laquelle je participe la semaine prochaine, j'ai un papier sur les relations juifs musulmans. Mm-hmm. Pour suggérer qu'en fait on a eu une tunnel vision. Mm-hmm. On ne s'est pas rendu compte du fait qu'en fait il ne faut pas faire l'un sans l'autre. En Afrique du Nord, il y a des communautés musulmanes, mm-hmm. Et les communautés juives qui sont depuis tout temps complètement. Et aussi, ça, et je crois que quand on regarde le commerce méditerranéen, les deux communautés opéraient ensemble. Les documents de Goitain le montrent très très bien, les documents de Shlomo Goitain dans la Venise du Caire. Mm-hmm. On voit c'est le commerce inter-religion. Et ils parlaient donc la même langue? Oui, le berbère. D'accord. Le berbère. Et donc ces contrats... Ils écrivent en arabe. D'accord. Mais bon, les juifs aussi, ils écrivent en hébreu, ils ont de l'hébreu. Mais il y a les mêmes types de contrats, justement, quand vous comparez entre les juifs et les... C'est le même type de type de commenda, c'est le kerad, on appelle ça, c'est le même type. Mm-hmm. Où c'est les formes, où c'est les partenariats, limited liability. Donc on voit même on a le papier que je fais pour la conférence la semaine prochaine s'intéresse aux deux côtés. Par cette étude écrite par les musulmans au sujet de leurs partenaires juifs, mm-hmm. mais des documents de Timbuktu écrits par des commerçants juifs au sujet de leurs partenaires musulmans. Donc je vois les deux côtés. Mais pour en finir avec cette histoire de commerce, de réseau, ces réseaux forment une institution pour la sauvegarde des intérêts communs des partenaires qui sont liés par des obligations multiples. Et on les voit les obligations dans cette histoire d'héritage complexe. Mm-hmm. Parce qu'un meurt, un autre membre doit obligatoirement prendre la responsabilité des affaires de la personne du défunt. Et puis, quand on a un deuxième, ce deuxième qui meurt, un troisième doit prendre la responsabilité des deux, plus ses affaires. Et ensuite, il y a quatre en tout qui meurent. Donc c'est vraiment un travail faramineux, mais ils sont obligés. Et donc c'est pour ça que je parle de limits of cooperative behavior, parce que dans ce contexte, il y a vraiment, c'était comme un danger d'avoir affaire à régir toutes ces, toutes toutes ces relations commerciales, toutes ces finances, dans un contexte d'instabilité locale où de performer les responsabilités du réseau pouvait être porter danger à la personne même, puisque avoir tant de finances à gérer, laisser la personne susceptible d'être visée par des pineurs, etc. Donc, ils sont liés par une culture commerciale et des normes d'affaires propres, merchant law, comme on peut dire. Et ce finance, c'est ça le point que je pense qui est important, je crois que ça a à voir avec le fait que j'ai étudié les tontines dans le temps, que j'ai vu qu'ils se financent mutuellement par le biais de mécanismes de crédit et d'épargne. Car l'accès au réseau permet l'accès à des services de type bancaire. Ça rejoint un peu peut-être ce que vous avez dit aux jeunes tout à l'heure, mais parce que, en fait, c'est bien beau d'avoir du crédit, mais comment est-ce qu'on accumule ? On accumule en donnant du crédit, parce que ça donne des lignes d'épargne. Donc on investit dans des personnes quand on leur donne une dette. Et ça, c'est dans un système où il n'y a pas d'institution bancaire et il n'y a pas de solution pour accumuler du capital, chose qui est dangereuse dans un contexte d'instabilité, d'avoir une accumulation de richesses. Et donc la manière d'épargner, c'est de donner du crédit à des gens de confiance à qui on peut faire appel quand on a besoin de récupérer son capital. Donc il y a un dernier point. Je prends beaucoup de temps. Hein, c'est bien. Temps pour, ouais. Comme on n'est pas beaucoup, on peut... Le dernier point, c'est cette ironie au sujet de la place du fonction, de function, la fonction des documents à la droite islamique. Ce dont je parle, l'histoire de ces héritages crée un conflit entre famille héritière dans cette question d'héritage attichite. Ces familles héritières qui embauchent des muftis, des spécialistes de la loi, afin d'éclaircir la situation et de pouvoir donner des conseils. Et le mufti de la partie opposante, qui écrit sa fatwa en premier, dit que le qadi qui s'est occupé à enregistrer toutes ces opérations financières à avoir avec l'héritage, ces héritages multiples, a mal fait son travail. Parce que quand les créditeurs sont descendus en ville chercher leur argent auprès des deceased, ils ont montré leur contrat au Pradi, et le Pradi a pris le contrat et at face value, donc il a pris le contrat et déboursé les créditeurs à base de ce contrat écrit. Alors que dans le droit musulman, le régime de la preuve n'a jamais transféré, n'est jamais sorti de son oralité. C'est-à-dire que le système de la preuve dans le droit musulman, comme c'était le cas en Europe jusqu'au XIVe siècle, la preuve c'était un témoignage oral. Et donc le qadi, selon le mufti, aurait dû parler directement aux témoins qui étaient présents lors de l'établissement du contrat. Parce que le contrat lui-même, ce n'est pas le document. C'est un accord oral. Et l'accord oral est vraiment scellé par les témoins qui témoignent de l'existence du contrat. Le document lui-même, ce n'est pas le contrat. C'est un accord oral. Et donc, qu'il peut être falsifié, parce que, etc., etc. Donc, et parce que donc, parce que c'est par le mine, c'est-à-dire des oath, qu'on peut prouver quoi que ce soit. Et le oath, bien sûr, le comment tu dis le oath? Serment. Le serment, c'est en face de Dieu. Donc c'est ça la preuve. Et donc je parle dans cette étude secondaire du fait que ça a posé problème dans le système musulman à long terme, qu'ils n'ont pas transformé leur système légal pour faire en sorte que la preuve puisse devenir documentaire, ou que le document puisse opérer comme une preuve. Et ça, c'est une chose qui s'est passée en Italie d'abord, ensuite Montpellier, on a toutes ces études où il y a les notaires qui commencent à enregistrer avec des sceaux, etc. Donc il y a un système de légalisation du papier qui se tient, qui se développe et qui, je crois, est une indice très important de développement complexe plus perfectionné. Donc, en conclusion, c'est ces économies de papier qui étaient des économies de papier de fois sans fois dans les documents écrits. Et en conclusion, donc, la place de la religion et des spécialistes du droit qui maintiennent un environnement stable et ordonné pour le fonctionnement des institutions économiques. Chose qu'on voit dans le droit musulman, mais aussi dans le halakha juif, le système talmudique, la loi talmudique, les corpus de Maïmonides, etc., qui sont canoniques dans ce système, qui opère vraiment très similairement. Et ce n'est pas une coïncidence qu'en fait Maïmonides, Moses Maïmonides, qui est l'auteur de Mishnah Torah, a grandi en Espagne musulmane et ensuite a déménagé au Maroc, ces zones très liquides. Donc on voit vraiment une similitude entre ces systèmes légaux, système maliquite et système musulman et système légaux. Donc la place de l'écrit dans opérations commerciales, chose que Jacques Gaudy nous a dit il y a bien longtemps, mais que les économistes n'ont pas vu jusqu'à très récemment. Et le bouquin de Jan Larsen van Zanden qui vient de sortir donne une place importante à l'écrit. Et nous sommes dans la bonne voie, il me semble. Et finalement, l'importance de l'utilisation du papier n'a pas été encore acknowledged par les économistes est vraiment super importante. C'est bien d'avoir de l'écrit, mais il faut avoir du papier, le complément du stylo. Quand on voit l'évolution du développement d'économie complexe, c'est cet accès au papier, et au 19e siècle, l'industrialisation de ce papier qui donne accès à cet outil primordial. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment passionnant de voir comment ça s'insère dans la recherche plus large aussi. Je crois qu'on a tous plein de questions. En plus, ça croise pas mal de choses qui m'intéressent et pas mal de choses qui t'intéressent aussi, Claire, je pense. Donc, je comme l'ordre qu'on veut. Ouais. Je sais pas, peut-être une question très générale sur les sources, en fait, ça, avant de rentrer dans la question spécifique, non? Comment les trouver, tout ça? Ouais, ouais, j'avais aussi des questions sur ça. Ouais. C'est intéressant, vous dites qu'il n'y a pas d'enregistrement de ce papier, donc comment vous faites pour les trouver? Ils sont enregistrés dans les papiers. Ouais, ils sont enregistrés. Ah, il n'y a pas de registre. Il n'y a pas de notaire. Ouais, il n'y a pas de notaire. Donc, du coup, comment l'historien fait pour enfin, quels sont les modes de conservation de ces sources? C'est une très très bonne question, parce qu'a priori, si ces documents n'ont aucune valeur, voilà, pourquoi exactement. Les garder mm-hmm. Parce que pourquoi les garder après la mort de ceux exactement, ouais. qui sont décrits et après la mort de ceux qui puissent identifier mm-hmm. l'écriture? Ben c'est justement une question qui a à voir avec les property rights. Bon. Mm-hmm. Et que même, ça c'est, je suis en train de voir comment le système ottoman marchait. Parce que eux, ils ont quand même changé l'Empire ottoman, a fait des innovations dans ce sens, mais en donnant valeur aux lettres du sultan, par exemple, mm-hmm. parce que le sultan envoie ses ordres à l'autre côté de l'Empire, et si le document n'a pas de... Donc, mm-hmm. donc et ce qui s'est passé, c'est que, et ça c'est quelque chose que Barbara Johansson a étudié plus précisément, c'est qu'il y a des endroits où en fait les commerçants eux-mêmes, comme, et c'est pour ça que l'écrit opère comme scelle la confiance entre les gens, et donc c'est comme si c'est paralégal, hein, puisque s'il y a un problème, c'est là où on va voir le paradis autrement, tout marche très très bien. Pour les questions à l'accès aux documents dans cette zone, il faut dire que les gens vraiment s'exerçaient pour avoir accès à ce papier. Et donc ça représentait, il y avait une valeur à l'écrit. Mais aussi, comme tous ces écrits, c'est des documents religieux, a priori, puisque bon... On fait allusion à Dieu, c'est Dieu qui est le témoin, etc. etc. Donc il y a une espèce de capital symbolique représenté par ces documents. Comment est-ce que j'ai eu accès? Bon, les rares lettres commerciales qui restent pour les contrats, souvent sont gardées. Parce que, et la manière dont elles sont gardées, c'est que quand une famille s'éteint, où il n'y a plus d'héritier mâle, donc la famille donne les documents, ou même quand il n'y a plus d'héritier, c'est souvent les hommes qui sont propriétaires des documents familiaux, et la famille donne les documents au qadi. Alors voilà, on a des familles qui sont qadi, parce que ça se transmet de père en fils, et ça se transmet le savoir et les bibliothèques de référence, de père en fils, et donc à la fin, les familles de Qadi ont des archives incroyables. C'est les contrats, on les trouve chez les Qadi. Donc c'est des archives privées. Mm-hmm. C'est donc, des archives de famille en fait. Oui. Qui sont, c'est pas déposé dans une bibliothèque. La chose c'est que jusqu'à présent, les historiens ne se sont pas intéressés à ces contrats. Mm-hmm. Tu vois? Ils se sont intéressés aux écrits religieux, mm-hmm. tout ça, aux manuscrits qui parlent, bon, aux collections de fatwas. Bon, ouais. Ça, les fatwas, ça intéresse. Mais pour ce qui est du nitty-gritty, mm-hmm. du everyday life, de ces contrats, donc c'est pas quelque chose qui a intéressé. Donc moi, en fait, comme j'étudie un réseau commercial, mm-hmm. j'ai interviewé les familles. Et donc, dans la méthode historique, il y a une centralité, ce que je dis, de centrality of orality, parce que ces familles m'ont renseigné au sujet des générations, les quatre générations de commerçants que j'ai, dans le parcours que j'ai retracé. Ils m'ont donné les généalogies, ça fait que quand j'ai trouvé ce document d'une manière incroyable, dans la maison du Qadi de Shingiti, j'ai commencé à le lire et je savais qui était qui, parce que j'avais les arbres généalogiques qu'on m'avait passés oralement. Donc c'est comme ça, avec les interviews, que j'ai pu retracer les parcours de ces commerçants. Ce ça m'a fait partir dans toutes ces petites oasis, grandes et petites, parce que le réseau était à travers le temps, dans différents endroits. Et toujours dans la même veine, pour, par exemple, dans cette maison, il y avait combien de contrats à peu près ? Enfin, ça, c'est quel type de masse de documents ? Parce que j'arrive pas à me rendre compte. Dans cette maison-là, la Qadid Haman, il y avait une boîte. D'accord. La moitié de. Enfin, le système sans une des bases. D'accord. Et rempli de contrats. Et qui allait de quel... Et de rapport. Ce rapport, en fait, ce rapport, c'était un truc assez exceptionnel de trouver ce rapport. Parce que les fatwas, elles sont écrites et envoyées. C'est des documents comme les fatwas que j'ai montrées tout à l'heure, celles du Mirqal d'or ou de la barre de sel. C'est des documents qui sont 2-3 folios. Souvent, peut-être une fatwa, elle fait une page, même des fois, quelques lignes. Des fois, 20 pages. Et ces fatwas, c'est des trucs individuels. Mais de trouver... quatre fatwas reproduites dans un document avec toute la description des événements qui se sont passés, ça c'était très exceptionnel. C'est parce que, en fait, une des familles impliquées faisait partie de la grande famille de Guilmim, des chefs de Guilmim. Et c'est cette famille-là qui a ordonné la première fatwa pour récupérer les 186 mitrales qui avaient été accaparées par les héritiers d'un des membres. Pour ne pas payer les 186 mitrales qui se devaient ces familles héritières. Donc c'est à cause de la réputation du profil que je pense, c'est le seul document de ce genre que j'ai trouvé. Et dans cette boîte, les documents, ils étaient de quelle époque à quelle époque à peu près ? Surtout le 19e siècle. Et du coup, vous les avez fait verser quelque part ou elles sont toujours dans la maison ? Elles sont toujours là-bas. Elles sont toujours là-bas. Il n'y a pas le développement de pratiques d'archives Si. Si, à Sungiti, par exemple, il y a plusieurs bibliothèques qui sont sujets. Il y a des bailleurs de fonds qui sont venus, il y a des catalogues. Une des grandes bibliothèques de Sungiti a été cataloguée, et c'est la bibliothèque la plus organisée. Et donc, pour Tichit, ils font aussi la même chose. Il y a un effort pour la préservation avec des boîtes qui sont. Il n'y a pas d'acide, etc. Et parce que la coopération espagnole a beaucoup versé de fonds dans ce sens, et les Français aussi. La coopération française, même des archivistes de Paris ont donné des conseils pour dans le cadre de la préservation sur le patrimoine de la Mauritanie, par exemple. C'est un volet gouvernemental. Donc ils ont envoyé des boîtes, ils ont formé des jeunes pour chaque oasis, ces villes historiques, ces villes caravanières. Il y en a quatre principales, mais il y en a plus, et énormément d'efforts dans ce sens pour préserver ces documents depuis 5-6 ans. Pareil à Timbuktu, il y a eu beaucoup d'intérêt depuis plus longtemps que ça. Donc oui, mais c'est toujours, c'est un peu le hasard. C'est jusqu'à présent, enfin moi cette étude c'était le hasard, c'était grâce au hasard que j'ai trouvé ce document. C'est comme, moi je pense que c'est les ancêtres qui m'ont dit. Mais c'est vraiment, il n'y a rien, pour la boîte, il fallait chercher comme ça quoi. Mais bon, comme c'est des familles, donc il y avait une espèce d'ordre, mais d'autres collections. J'ai passé un mois dans plusieurs bibliothèques à chercher par les noms, identifier les noms. Et donc c'est pas comme les archives nationales. Ouais. Les exemples de formulaires que vous avez montrés, c'est une feuille. Est-ce qu'il y a des registres? Est-ce qu'il y a des registres d'une façon générale, ou c'est généralement ce que vous disiez, toujours deux folios, quatre maximum? Oui, parce que le système de